on voit comment il montait, il présentait beaucoup de théories occidentales d'une fausse façon. Et il voulait seulement montrer qu'il savait parler des choses que les individus qui étaient en train de le peindre ne comprenaient rien. Donc, ces personnes-là qui insultent le savant, eux-mêmes, si on regarde bien, si on analyse bien, ne perfectionnent pas ce qu'ils prétendent. Ce qu'ils prétendent connaître, ils ne connaissent pas la politique. Et comme j'ai dit, le fait de connaître l'information, la dernière information, ce qui s'est passé en Roumanie, ce qui s'est passé dans des pays qui, même si leur histoire nous concernait, même si l'actualité de ce pays-là nous concernait, on ne pourrait rien faire pour telle et telle personne. Ces gens-là, en fait, ils n'ont aucune valeur supérieure à celle des autres musulmans. Parce que, comme j'ai dit, un journaliste de n'importe quelle chaîne de télévision ou bien de n'importe quelle chaîne de radio va être plus savant que nous. Donc, quelle est la différence entre le savant qui peut porter le jugement au sujet d'une affaire qui arrive dans un pays musulman, par exemple d'une invasion d'un pays autre que musulman, qui est à ce pays-là, par exemple, envahi un autre pays, comment les musulmans vont se comporter? Ça, c'est le savant qui porte son jugement après que les individus de ce pays, par exemple, lui décrivent bien la situation de ce pays-là. Et on a bien vu le jugement de ces gens-là qui prétendent que les savants ne comprennent pas la politique, le jugement qu'ils ont porté au sujet de la situation en Algérie, par exemple, l'Afghanistan, l'Égypte. Et ce n'est pas la peine de donner trop de détails. Il y a un livre de Shirad Malcolm Dunn, Madarik al-Nazar fi Siyasa. Ce livre-là donne des exemples en donnant les références pour montrer que celui qui prétend bien connaître la politique, en vérité, s'il n'a pas un bagage scientifique qui parle du sunna, du Coran, la sunna, et qui connaît bien la langue arabe, et qui connaît bien les paroles des sahaba, et qui connaît tout ce qui est rapport avec la science, celui-là, en vérité, ne va pas faire long feu, c'est-à-dire tout de suite bien, va premièrement faire fuir ceux qui le suivent, parce que premièrement celui-là, il éduque ses élèves à ne pas respecter les gens. Donc demain, c'est lui qui ne va pas respecter. Et troisièmement, il coupe les individus des gens qui peuvent en profiter. C'est comme par exemple si tu vois un malade, tu es interdit d'aller au médecin. Tu lui apprends, que les médecins c'est des menteurs, c'est des imposteurs, c'est des charlatans. À la fin, il se persuade, il est persuadé que ce que tu dis est vrai. À la fin, il reste entre les mains des ignorants, chaque année dans un médicament de chez lui. Alors que nous, on a bien vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les savants, c'est les héritiers des prophètes. Et les prophètes, ce sont eux qui savent bien guérir les cœurs. Et si on remarque bien, ceux-là qui, en secret, disent que les savants ne comprennent pas la politique, et quand ils sont en colère des fois, ils sortent ce qu'il y a dans leur cœur, ils disent, ce savant-là, quand il est entre quatre murs, il ne connaît rien qui soit plus loin de son nez. Et entre autres expressions, ces individus en général, on constate que lorsqu'ils rencontrent le plus petit des élèves de ces savants-là, ils rentrent dans l'hypocrisie. Ou bien, s'ils rencontrent un individu qui respecte les savants et qui les défend, ils commencent à vanter ce savant-là. Et une certaine personne a écrit un livre à cette époque. Et ce livre-là, il a été donné à Cheikh Ibn Baz pour commenter. Et Cheikh Ibn Baz, il a mis des remarques importantes, certaines au niveau de la langue, certaines au niveau des hadiths, et certaines au niveau politique et du minage. Quand on a regardé les expressions qui étaient relative à la langue, qui était relative au hadith, c'est-à-dire qui n'avait rien à voir avec la politique. Alors, c'était écrit comme ça au début. قال سماحة الشيخ العلامة الفاضل كذا وكذا ابن باز. Quand c'était des avis relatifs à la politique, il n'y avait pas cette expression-là. Au contraire, l'expression était mise comme ça, et à la fin, il était écrit Abdel Aziz ibn Baz, sans Sheikh, sans Samaha, sans l'Alim Fadl, sans rien du tout. Pourquoi cela? Parce que ces gens-là, ils veulent dire que nous, on ne reconnaît celui-là que lorsqu'il nous fait des commentaires, quand il nous ramène des questions relatives aux règles, des questions relatives au Shar. La politique, c'est notre domaine. Il n'a pas à nous donner de leçons. Donc nous, la politique, on ne le vante pas. On le vante aux yeux des jeunes pour montrer qu'on respecte les savants, mais dans la politique, il faut le combattre. Et cela, en vérité, on a peur qu'il fasse partie de ce qu'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a appris qu'il y avait des gens qui avaient un double visage, un visage avec un groupe de gens et un visage différent avec un autre groupe de gens. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه والحديث متفق عليه. C'est-à-dire, parmi les pires des gens, parmi les pires des individus, l'homme au double visage qui apparaît à certains gens avec un visage et à certains autres avec un autre visage. Et aussi, le fait de diviser la religion en politique et sharia, en fait, ça, c'est une histoire ancienne que les savants connaissent bien. C'est pour cela que Ibn Qayyim rahimahullah a dit « وَتَقْسِيمُ بَعْضِهِمْ طُرُقَ الْحُكْمِ إِلَى شَرِيعَةٍ وَسِيَاسَةٍ إِلَى شَرِيعَةٍ وَسِيَاسَةٍ كَتَقْسِيمِ غَيْرِهِمْ الدِّينَ إِلَى شَرِيعَةٍ وَحَقِيقَةٍ وَكَتَقْسِيمِ آخَرِينَ الدِّينَ إِلَى عَقْلٍ وَنَقْلٍ وَكُلُّ ذَلِكَ تَقْسِيمٌ بَاطِلٌ جزء السياسة والحقيقة والطريقة والعقل كل ذلك ينقسم إلى قسمين صحيح وفاسد. راجع إعلام الموقعين المجلد الرابع صفحة 375. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le fait, la division que font certains de la religion, ils disent que la religion est divisée en sharia, en politique, ou bien en sharia, c'est-à-dire la science cachée et la science apparente, que certains qui voulaient détruire l'islam ont essayé d'établir, et le fait aussi de diviser la religion en raison, en choses rationnelles, ou en choses si je veux dicter, tout cela, c'est une division non acceptée et fausse. Mais la politique, la vérité, le chemin, la raison, tout cela se divise en deux groupes, faux et juste. Faux, c'est-à-dire toute chose, on la compare avec la religion, avec le kitab, le sunna. Et ce qui est valable, ce qui est superposable à Kitab ou Sunna, ça, c'est juste. Ce qui n'est pas superposable, au contraire, alors, ça, c'est faux. La même chose pour la politique. Il y a ce qui est appelé Siyas al-Shara'iyya, et il y a Siyas al-Shara'iyya. Donc, ce n'est pas un mérite d'être expert dans la politique, cette politique-là, mais pas la politique qui s'entend bien avec le Kitab ou Sunna. Donc, on voit bien que cette phrase-là, les savants ne comprennent pas la politique. Et des fois, ils disent, non, nous, on complète les savants. Les savants s'occupent de la langue, ils n'ont pas le temps de s'occuper de la politique, mais on s'occupe de la politique. Et ça, on voit bien que c'est l'erreur. Et c'est ça qui amène tous les risques aux gens. Parce que si on ouvre la politique aux individus, comme la démocratie, ou bien comme le font certains régimes qui permettent à n'importe quel individu, qu'il soit simple d'esprit, qu'il soit intelligent, qu'il soit inculte, qu'il soit cultivé, qu'il soit cadre, qu'il soit musulman, il peut porter son avis, il peut influer sur la sécurité du pays, sur la politique du pays. Ça, tout le monde sait bien que c'est une erreur. Et oui, c'est pour ça que la politique que les intérêts du pays doivent en vérité être conduites par les personnes plus raisonnables, les personnes les plus savantes. Et on voit bien le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans certains affaires, il a choisi le plus savant, la meilleure personne. Et s'il connaissait plus savant des personnes meilleures que Abu Bakr, il n'aurait pas choisi Abu Bakr. Et que s'il connaissait des personnes meilleures que Omar ibn Khattab, il n'aurait pas choisi Omar ibn Khattab, etc. Donc, ça montre l'erreur de ceux qui font de sorte que l'actualité, qui essaie de persuader les gens que le fait de se toujours au courant de l'actualité, de suivre l'actualité, c'est comme ça que nous pouvons arriver à déjouer les pièges de l'ennemi. On va arriver au cinquième point. Au cinquième point, relatif à la science et au savant, c'est ce qui s'appelle faire une loi, la connaissance et l'analyse de la science et de l'actualité. D'abord, cette science-là, comme elle est prétendue, n'est pas une science. Parce que si elle était aussi, c'était une science, où sont les ouvrages des savants qui ont été écrits dessus? Où sont les savants qui étaient spécialisés dans le passé, dans le faire voir? Et quand, par la parole de Ibn Qayyim, qu'il cite toujours, qui parle de la connaissance de l'actualité, ça c'est une parole que vous pouvez trouver pas chez Ibn Qayyim seulement, chez beaucoup de savants. Il est normal que le savant, avant de porter son jugement au sujet d'une question de divorce, il se pose des questions. Il doit bien connaître les conditions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le divorce, pourquoi les deux époux ont divorcé? Et après, il peut porter son jugement. Le fait qu'il ignore du début les conditions dans lesquelles s'est déroulé le divorce de l'époux, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas porter de jugement. Au contraire, s'il y avait une affaire de divorce, tu ne vais pas, comme on l'a dit, tu ne vais pas le demander à un ignorant, un ignorant qui ne connaît pas, le fait que tu divorces, tu ne verras pas, pour que je te donne ton avis, pour que je te donne son avis. De la même façon, Ibn Qayyim parle en fait de l'ilm, c'est-à-dire la science que porte le grand savant, par laquelle il peut juger, tout événement, et il peut juger l'actualité. D'autre part, cette présumée science, elle repose sur l'actualité, sur les informations. Les informations qui parviennent, comme on a vu, par l'intermédiaire de la télévision, des radios, des journaux. Et tout le monde sait que les masses médias ne sont pas aux mains des musulmans, mais qu'ils sont aux mains des ennemis du musulman. Et ces ennemis du musulman, quand ils veulent occuper les musulmans, avec n'importe quoi, ils l'occupent. Et les masses médias, c'est bien connu, sont une arme redoutable, et qui n'est pas utilisée seulement contre les musulmans, que chacun utilise contre son ennemi. On peut donner comme exemple. Les communistes qui dirigeaient l'URSS, quand ils ont voulu apaiser le soulèvement de la peste en 1956, ils savaient que ça allait altérer la campagne qu'ils menaient depuis des années, la campagne anti-impérialiste. Ils essayaient d'accuser les États-Unis du terrorisme et du colonialisme, le nouveau colonialisme. Et le fait d'intervenir militairement en Hongrie, ça prouvait qu'eux aussi, pas seulement les États-Unis, pas seulement l'Occident, que l'URSS, qui se prétend défenseur des libertés, qu'eux-mêmes aussi piétinent des libertés. Alors, l'histoire de Suez, le canal de Suez est arrivé au bon moment pour eux. Alors, ils ont pris l'initiative politique de menacer militairement la France et l'Angleterre et Israël. Pourquoi? Pour détourner l'attention des gens de la Hongrie. C'est bien connu. Et pourquoi j'ai frappé cette exemple? Pour montrer le rôle des mass médias. Quand un individu est plongé dans la lecture des journaux et dans l'écoute de la radio et de suivre, et quand il suit tous les moyens d'information, alors il n'a plus en tête, que ce qu'il entend, ce qu'il écoute. Et beaucoup de choses lui sont cachées en vérité. La deuxième chose pour laquelle on utilise cette arme, c'est le fait de faire peur aux musulmans. Et c'est pour ça que quelqu'un qui lit, qui est sans arrêt en train de lire ses journaux, en fin de compte, au profit de l'unicité de Dieu, devient chancelante dans son cœur. Et c'est pour ça qu'on a entendu malheureusement certains musulmans dire, les juifs, s'ils veulent faire quelque chose, ils le font. Les juifs nous entendent. Certains ont dit, je suis en train de parler et les juifs m'entendent maintenant. Et ça, pourquoi ces personnes-là on l'a prononcé? Et ces paroles-là, comme on le sait, peuvent être un danger pour l'islam de l'individu. Il peut sortir de l'islam en prononçant ces paroles. Pourquoi ces individus ont prononcé ces paroles, Parce qu'ils lisent dans les journaux, les juifs ont fait, les unis ont fait, ils ont su. Et des fois, il y a des livres qui sont publiés, comme le livre de celui-là qui est très fond d'être un agent dénoncé. Quand quelqu'un lit ce livre-là, il sort avec une psychose, avec la phobie. Il croit que tout individu dans la rue est un juif. Et c'est ça en vérité que les juifs veulent convaincre que leur armée est invincible. Et c'est bien connu comment ils ont appelé leur armée, invincible. Mais que la médias ne trompe pas, il sait premièrement que les juifs, les chrétiens et tous ceux qui sont concernés musulmans ne vivent pas de bien. On ne fait pas du bien. Et le musulman sait aussi qu'il ne faut pas avoir peur d'eux. C'est-à-dire que même si notre nombre était inférieur à leur nombre, même s'ils avaient la puissance, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent vaincre, ça ne veut pas dire qu'ils peuvent mourir. Mais quand est-ce qu'ils peuvent mourir si le corps change? Et c'est pour ça que Dieu a dit, donc ma fi'at qalilat ghalabat fi'at kathirat bi'idhni Allah. Et comme j'ai dit, quelqu'un qui prononce ces paroles-là, les juifs savent tout, les juifs peuvent tout, en vérité celui-là, ça y est, son Dieu, ce n'est plus Dieu, ce n'est plus Allah. Son Dieu maintenant, c'est quelqu'un d'autre. Parce que on sait bien que c'est Dieu seulement qui dit que la chose soit et qui alors est créé. Et c'est Dieu qui sait tout, c'est Dieu qui est omnipotent, c'est Dieu qui est omniscient. Mais quand quelqu'un laisse de côté qui va de cela, ou bien n'apprend pas ce qu'il doit apprendre, alors la foi doit venir par son cœur. Et c'est ça le danger. Comme a dit le païen, sache que l'ennemi ne t'a pas vaincu par sa force, par ta faiblesse, c'est-à-dire matériel, mais c'est le protecteur qui t'a délaissé. C'est le protecteur qui t'a délaissé. On aura la balle avec la douleur de ton voisin. Voilà ce qu'il m'a fait arriver. D'autre part, l'actualité, son étude, si on se permet de l'appeler science, ce ne fait pas partie des sciences exactes, ce ne sont pas des mathématiques. c'est-à-dire 1 plus 1 égale 2. C'est-à-dire si tu assistes à un événement, tu ne peux pas le juger tout de suite, sans connaître les causes qui l'ont causé, ce qui est derrière. Ça, très souvent, l'individu ne le sait pas. L'individu ne le sait pas. C'est pour ça que le savant disait « Al-haqq la ya'arf bi nata'ij », c'est-à-dire la vérité ne se reconnaît pas par le résultat. C'est-à-dire, si tu as un résultat qui est bon, ça ne veut pas dire que la cause était bonne. Si tu as un résultat mauvais, ça ne veut pas dire que la cause était mauvaise. Et c'est bien connu qu'il y a des prophètes qui viendront le dernier jour, personne ne les aura suivis. وَرَأَيْتُ الرَّجُلَ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٍ. Donc, est-ce qu'on peut dire que le prophète, celui-là, n'a pas utilisé la bonne voie? Non. Le résultat n'est pas entre les mains de l'individu, même s'il est prophète. Le résultat est entre les mains de Dieu, du Créateur, de celui qui dirige tout. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. C'est pour cela que notre religion, d'abord, c'est la religion, la croyance, si on veut, à l'invisible. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ceux qui croient à l'invisible. Ça, c'est la première description qui est dans le Coran, la première description des croyants. C'est-à-dire, la première qualité des musulmans, c'est de croire aux choses cachées. Et il suffit de voir la foi, la ta'mina billah. Tu crois en Dieu, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas le voir. Donc tu crois en une chose invisible. En tu'mina billahi. Wa malaikatihi. La même chose. Tu crois aux anges. Les anges, tu ne peux pas les voir. Mais tu y crois. Wa malaikatihi. Wa kutubihi. Wa kutub. Tu as le Coran seulement entre tes mains. Mais le Coran. Tu n'as pas vu révéler, tu n'as pas vu être révélé, tu l'as trouvé, c'est devenu, si tu veux, quelque chose de matériel entre tes mains, et ce qui est la vraie foi, c'est de croire qu'il vient de chez Dieu. De la même façon, tu crois sans avoir la preuve matérielle que ce prophète-là vient de chez Dieu. واليوم الآخر et au dernier jour, pourtant tu n'as pas assisté au dernier jour, tu n'as pas assisté au dernier jour, mais tu y crois. وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. De te croire au destin. Donc on voit que la religion est basée sur la croyance en l'invisible. Et ceux qui veulent que notre croyance soit en la matière, plus qu'à l'invisible, et qui ont suivi en cela partiellement, qui ont suivi les paroles des matérialistes, si on veut, qui ne croient qu'à ce qu'ils voient, alors ceux-là qui sachent qu'ils sont en grave danger. Parce que celui qui croit aux événements, à l'actualité, comme il est présenté, même s'il est présenté d'une façon différente de la véritable actualité, celui-là, on a peur que lorsque le Messie Dajjal, l'Antéchrist, sortira et qu'il ramènera tout le peuple qu'il aura avec lui, on a peur qu'il le suive. Et c'est pour cela qu'un des élèves de Imam Shafi'i disait: والله لو لم يوقن الشافعي انه يرى ربه في المعاد لم يعبده في الدنيا. C'est-à-dire, si الشافعي n'était pas convaincu qu'il verrait Dieu au paradis, alors il n'aurait pas adoré. C'est qu'est-ce qu'il a poussé? Est-ce que c'est ce qu'il a vu? Non, c'est la foi. C'est la foi et la croyance en l'invisible. Et on connaît l'histoire de Omar ibn Khattab, quand il parlait avec la pierre noire, il lui disait: je sais que tu es une pierre, que tu n'es rien, il y a ni profond, Et que tu ne peux nous faire aucun mal. Mais si je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Et pourquoi cette religion-là est la religion de la possible? C'est pour mettre à l'épreuve ceux qui, les véritables croyants, pour mettre en évidence les véritables croyants de ceux qui ne croient qu'en la matière. Et quand on constate la reproche des orientalistes, des koufars, ils disent, vous prétendez ne pas être idolâtre, mais vous adorez la Kaaba, vous adorez la pierre noire. Cela en vérité, n'ont pas pris connaissance du véritable islam, de l'islam, que de l'islam qui leur a été proposé par ceux qui connaissent la vérité et qui ont en main les masses médias et l'information. Parce que celui qui constate pourquoi Omar ibn Khattab radiallahu anhu a dit ça à la pierre noire, et cette histoire est rapportée par Sahih al-Bukhari, on remarque que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam savaient que la terre noire ne nous était d'aucun profit. Et nous, on n'adore pas la Kaaba, on n'adore pas des pierres, on n'adore pas la terre noire. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par ordre de Dieu, nous a ordonné de tourner cette fois. On n'a pas philosophé à dire pourquoi 7, pourquoi pas 8, pourquoi pas 6. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par ordre de Dieu, nous a ordonné d'embrasser la pierre noire au cours du petit pèlerinage de l'Omra, ou bien au cours du grand pèlerinage de l'Hajj, on n'a pas philosophé. Et c'est pour ça que le pèlerinage est une mise à l'épreuve en vérité. La foi de l'individu, est-ce qu'il croit sans voir, est-ce qu'il croit en Dieu, à l'ordre de Dieu, est-ce qu'il croit à la vérité? Et il n'a pas besoin de quelque chose de matériel. Pourquoi doit-il ramasser les pierres? Pourquoi doit-il jeter les pierres? Pourquoi doit-il être là tel et tel jour? Ça, c'est une mise à l'épreuve. Dieu fait ce qu'il veut. Il aurait pu se demander de faire autre chose. Et c'est pour ça que Dieu a interdit à Bnei Israël, les fils d'Israël, de pêcher le samedi. Il a interdit les graisses animales. Pourquoi? On n'a pas à chercher de cause scientifique ou médicale. Mais c'est une œuvre à preuve de l'individu. Et tout le monde sait les résultats de l'examen qu'ont suivi les fils d'Israël. Et nous espérons, Inch'Allah, que nous ne tomberons pas dans les erreurs qu'ont fait les fils d'Israël. On se pose la question. Dites-moi, je ne comprends pas ça avec ma raison. Moi, je vois que l'actualité démontre ça. Et l'événement qui peut être en face de toi, s'il est contraire, surtout s'il est contraire, s'il y a un hadith, un verset, qui te montre que ce que tu vois est faux, alors laisse tomber ce que tu vois et suis le Coran et la Sunna. Et je n'aurai pas de meilleur exemple que de citer le jour de la bataille de Uhud, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien sûr, par ordre de Dieu, par inspiration de Dieu, par révélation de Dieu, a ordonné à certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam de rester sur une certaine colline, et il leur a dit, ne bougez pas de cette colline, même si vous voyez nos têtes sauter. Même si vous voyez nos têtes sauter. Quand les musulmans ont mis en défaite les kuffars ont commencé à fuir, ceux qui étaient sur la colline ont voulu participer à cette victoire, mais n'ont pas pu résister, ils sont descendus de la colline. Pourquoi? Parce que l'événement, la réalité qu'ils voient devant leurs yeux, leur dit, ce n'est pas la peine de respecter cet ordre-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont descendus de la colline, il est arrivé ce qui est arrivé. Il est arrivé ce qui est arrivé. C'est-à-dire, alors là, les musulmans ont connu une défaite. Oui. كما جاء مولى عز وجل في القرآن فليحذر الذين يخالفون عن أمره وتصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم بما رأيك القرآن فأنت attention que s'il désobéisse le prophète صلى الله عليه وسلم qu'il ne soit pas atteint de fitna, de malheur le bien qui ne soit pas atteint par une souffrance, un châtiment. Le monstre. De la même façon, ceux qui analysent leur expérience, qui disent, c'est vrai que ce hadith est un hadith qui est contraire, et qui nous dit telle ou telle chose, mais par expérience, on a constaté par exemple que à partir de voilà, on arrive au résultat. On peut, par telle action, arriver au résultat. Même si on voit que c'est une innovation dans la religion, même si c'est contraire à un hadith. Cela, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils nous disent que la vérité dépend des expériences. Si les expériences donnent un bon résultat, ça veut dire que c'est la vérité. Si les expériences donnent un mauvais résultat, alors, ça veut dire que la vérité n'est pas dans ça. Et ça, je répète, ils croient que c'est des sciences exactes. C'est une expérience de chimie, ou bien une expérience de physique. Tu expérimentes telle chose, si ça réussit, alors c'est la vérité. Et on connaît le hadith de celui qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, mon frère est atteint de diarrhée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné un remède. Et comme c'est connu,